le patrouilleur du net. Voici DominiqueArpin.ca. L'histoire autour du jeu 33 clés s'étoffe un peu plus chaque jour. De nouvelles clés ont été dévoilées par le mystérieux Roperio sur le site roperio.ca. Pour les trouver, il suffit de déchiffrer les énigmes sur le site et de partir à leur recherche sur le terrain. Heureusement, les personnages de cette histoire sont très actifs sur le web et donnent beaucoup d'indices, autant écrits que vidéo. Le blogueur Patrick Martin, qui est au cœur de l'action, utilise même parfois son téléphone cellulaire pour diffuser de la vidéo en direct sur Internet grâce au service Quick. On peut aussi le suivre sur son blog patrickdechaoui.ca, sur son profil Facebook et sur Twitter. On retrouve aussi beaucoup d'informations sur la fanpage Facebook de FLAF, une série de reportages qu'anime Marie-Claude Perron à Musique Plus. Les joueurs se servent vraiment de cette page-là pour échanger et s'écrire des commentaires. D'ailleurs, c'est le secret de ce genre de jeu interactif. Pour aller au bout des épreuves, il faut s'impliquer et s'entraider. Plus on partage et on communique avec les autres joueurs, plus on a de chances de réussir les épreuves. C'est un peu comme si vous étiez le héros d'un jeu qui se déroule en temps réel. Grâce aux maîtres du jeu, les Puppet Masters, l'histoire est constamment réécrite en fonction des actions des joueurs. Bref, un jeu bien vivant. Pour participer, rendez-vous sur le site roperio.ca.